franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Pierre Lazareff, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Thierry Moïse, réalisée par Sophie Houde-Picon. Le vendredi 9 janvier 1959, la première de 5 colonnes à la une est un événement national. La France entière attend devant son poste pour découvrir ce nouveau magazine dont tout le monde parle et dont on ne sait rien. Le mystère plane. Qui sont ces hommes qui disent vouloir raconter la vie telle qu'elle est, filmée au plus près les gens? Qui disent aussi vouloir parler de tous les sujets et en particulier de ceux sur lesquels le gouvernement et les ministres de l'information successifs de l'époque, Jacques Soustel puis Alain Perfitte, veulent imposer le silence sur la guerre d'Algérie, par exemple, et en particulier, guerre qu'on qualifie encore d'événement. Pendant presque 10 ans, jusqu'en 1968, le magazine de reportage deviendra un modèle dans le choix des sujets, le rythme et le traitement de l'information. Habitué à une information surveillée par le pouvoir gaulliste, le magazine 5 colonnes à la une oppose une vision libre et pose les premières pierres d'une véritable révolution cathodique. Et aujourd'hui, oui, aujourd'hui encore, c'est une source d'archives précieuses sur les 30 glorieuses de la guerre d'Algérie, au premier planning familial, du Vietnam à l'assassinat de Kennedy. 5 colonnes à la une, c'est une équipe. Tout d'abord, Jean Darcy, le directeur de la seule chaîne de télé de l'époque, qui cherche à tout prix à inventer une information libre, demande l'aide de Pierre Lazareff, le puissant patron de François, lui qui connaît le tout Paris du spectacle, de la politique et des arts. Pierre Lazareff est le seul qui peut imposer une ligne nouvelle et libre de toute influence. Lazareff, le visionnaire, sait que la télévision, en se démocratisant, va prendre une importance croissante dans les années qui viennent. C'est sur le petit écran que les Français iront chercher l'information. Il en est convaincu, c'est aussi pour ces raisons qu'il relève le défi. Autour de Darcy et de Lazareff, c'est toute une équipe qui se forme. Une équipe qui entre dans l'histoire et dont les noms résonneront pendant des années. Ces noms scandés par une voix off dans le générique de l'émission chaque semaine et qui resteront dans toutes les mémoires des téléspectateurs de l'époque, et pas seulement. Souvenez-vous, Pierre Lazareff, Pierre Desgroupes, Pierre Dumayet et Igor Barrère vous proposent 5 colonnes à la une. Comme souvent avec les grands projets, la feuille de route tient en une seule ligne que Lazareff aimait à répéter. Voir les idées à travers les éléments et les événements à travers les hommes. Les plus grands noms du journalisme et des réalisateurs sont passés par 5 colonnes. Ils deviendront les incontournables des années 70 et 80. Comme Roland Hulot et le réalisateur André Hugues, ils sont envoyés en Algérie pour le premier grand reportage de l'émission. Ils suivent celui qui deviendra pour tous les téléspectateurs le visage familier du soldat en Algérie, l'exemple de la plaie, le sergent Robert. C'est aussi dans 5 colonnes à la une que les Français assisteront à la construction du mur de Berlin. C'est encore dans 5 colonnes que la France entendra Martin Luther King lancer son fameux « I have a dream ». Pour poursuivre notre voyage au cœur de l'actualité de 5 colonnes à la une, nous recevrons après la fiction Hervé Brusini, ex-grand reporter qui aujourd'hui, au sein de la direction de l'information de France 2, est directeur du numérique, de la stratégie et de la diversité. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Pierre Lazareff, de Thierry Moïse. À la fin des années 50, la presse est dominée par un journal, France Soir. Pendant plus de 15 ans, il aura le plus gros tirage de France. On le lit dans les ministères, on le lit dans les usines. À l'origine de ce succès, un homme, Pierre Lazareff. Sa recette ? Offrir la plus grande palette possible d'articles à chaque lecteur. Les signatures les plus prestigieuses comme Joseph Kessel, Lucien Baudard, Henri de Turenne, Philippe Labreau, Georges Gombeau et bien d'autres font de grands reportages à l'étranger ou des éditos tonitruants. Il côtoie des rubriques comme celle de Carmen Tessier, Les potins de la Commère, qui décrit en détail la vie des célébrités du tout Paris, comme un avant-goût de la presse people d'aujourd'hui. S'y ajoutent des scoops, des photos publiées avant tout le monde, grâce aux techniques les plus modernes et aux moyens sans limite que Pierre Lazareff met à la disposition de ses journalistes. Dans ces années-là, la presse écrite est le principal moyen d'information, à peine concurrencée par la radio. Quant à la télévision, elle balbutie encore. En 1958, la France ne compte que 700 000 téléviseurs et il n'existe qu'une seule chaîne, en noir et blanc, dirigée par Jean Darcy. Elle est installée à Paris, rue Cognac-Jay. Oui ? Ah, c'est vous, Rossif. Entrez, je vous attendais. Bonjour, monsieur Darcy. Vous vouliez me voir ? Oui, asseyez-vous. Je veux vous parler de votre idée de magazine d'information. Ça m'intéresse. Comme vous le savez, on m'a retiré la responsabilité des journaux télévisés. Ils se font maintenant dans le bureau d'Alain Perfit, le ministre de l'Information. C'est lui qui choisit les sujets, lui qui censure les commentaires, lui qui décide de quoi on peut et de quoi on ne doit pas parler. Ça ne peut plus durer. Nous devons reprendre la main sur l'information. C'est bien pour ça que je vous ai proposé ce magazine. Eh bien, je pense que le moment est venu de le lancer. Nous nous apprêtons à changer de république et le pouvoir du général de Gaulle sera renforcé avec la nouvelle constitution. Son contrôle sur l'information risque de l'être aussi. Oui, c'est probable. On le diffuserait un vendredi par mois, le soir. Nous sommes en septembre, j'aimerais démarrer en janvier. Ça vous paraît possible ? C'est un gros travail. Il faut tout mettre en place, les équipes, les moyens, la technique. Il n'existe rien de semblable, voyez-vous, ni en France, ni ailleurs. Mais c'est bien pour ça que j'ai pensé à vous, Rossif. Vous y avez déjà réfléchi, puisque vous m'avez soumis un projet. Ça vous tente ? Évidemment. Mais avec quels moyens ? Envoyer des équipes au bout du monde, ça va coûter très cher. Et puis, il faudrait qu'on puisse imposer nos sujets et qu'on résiste aux pressions du gouvernement. J'ai une solution. Nous allons travailler avec Pierre Lazareff. Le patron de France Soir. Plus d'un million et demi d'exemplaires vendus chaque jour. Ce journal, il l'a bâti après la guerre, à partir d'un petit quotidien quasi confidentiel issu de la Résistance. Et ce n'est pas son coup d'essai. Avant-guerre, avec Jean Prouveau, il avait déjà fait de Paris Soir le premier journal de France. Il a un sens exceptionnel de ce qui plaît aux Français. Et nous associer à Lazareff, c'est nous appuyer sur le plus grand groupe de presse de France. Un groupe à côté duquel nous, la télévision, nous sommes des nains. Ça me semble une excellente idée. Je ne veux pas vous cacher qu'il est aussi connu pour ses explosions de colère. Vous pensez que vous pourrez travailler avec lui ? Oui, tout le monde en a entendu parler. Mais ce n'est pas grave. Je m'y ferai. Vous verrez. C'est un petit bonhomme un peu dégarni, au physique insignifiant. Des bretelles, des lunettes sur le front, la pipe vissée à la bouche. Mais Lazareff sait absolument tout. Il connaît tout le monde, il pourra nous ouvrir toutes les portes. Savez-vous que chaque dimanche, dans sa propriété de Louveciennes, il reçoit tous ceux qui comptent à Paris ? Artistes, vedettes, sportifs, ministres, députés, une bonne vingtaine d'invités chaque semaine. Même Alain Perfit ne pourra pas censurer Pierre Lazareff. Il y a quand même un problème. C'est un homme de presse écrite. Est-ce qu'il saura s'adapter à l'audiovisuel ? Ne vous inquiétez pas pour ça. Il a déjà un pied dans Europe 1 et RTL. Je vais aller le voir au journal et lui exposer notre projet. J'espère qu'il acceptera. Moi aussi. Mais enfin, Darcy, je n'ai pas le temps. Vous ne vous rendez pas compte du travail que j'ai avec France Soir. Et notre groupe publie d'autres titres que je dois également gérer. France Dimanche, Le Journal du Dimanche, Elle, Réalité Connaissance des Arts, Femmes Pratiques, et j'en oublie. Sans parler des collections chez Hachette et Gallimard. Non, je ne peux vraiment pas m'occuper d'un magazine pour la télévision. Prenez le temps de la réflexion, monsieur Lazareff. Ce magazine d'information, ce sera notre émission de prestige. Il vous ouvrira toutes grandes les portes de la télévision, ce nouveau média qui est en train de conquérir les foyers français. Conquérir, peut-être, mais je vends plus d'exemplaires de France Soir chaque jour qu'il n'y a de téléviseurs en France. Enfin, voyez à quel rythme les Français s'équipent. La télévision, c'est l'avenir. Possible. Mais pour ce qui concerne l'information, elle nécessite la mise en œuvre de moyens qui alourdissent le travail du journaliste. En presse écrite, pas de caméra, pas de technique, l'information. Rien que l'information. Vous avez raison. Il faudra tout inventer et imaginer une façon de montrer l'actualité. Il faudra créer un langage audiovisuel. Qui mieux que vous pour le faire ? Vous qui avez révolutionné la presse. Vous êtes trop aimable, monsieur Darcy, mais je vous assure, je n'aurai pas le temps. On sort 6 éditions de France Soir par jour. Et d'une édition à l'autre, c'est un quart du journal qui change. Sans compter toutes mes autres activités. Je suis certain que celle-ci vous passionnera. Acceptez-vous de recevoir Frédéric Rossif ? Je l'ai chargé de produire l'émission pour laquelle il m'avait soumis un avant-projet. Bien volontiers. Envoyez-le-moi. Bonjour, monsieur Lazareff. Bonjour, Rossif. Asseyez-vous. Monsieur Lazareff, je ne veux pas vous faire perdre votre temps et je vais être franc. Nous avons besoin de vous pour créer ce magazine. Besoin de moi ? Oui, besoin de votre savoir-faire, de votre intuition des goûts du public. Et puis, ce magazine, nous le voulons indépendant du pouvoir politique. Pas question de le faire dans le bureau du ministre, comme le journal télévisé. Mmh. Vous savez que je ne suis pas au mieux avec nos nouveaux dirigeants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, j'étais à New York. Je travaillais pour le service d'information du président Roosevelt. Je ne suis arrivé à Londres qu'en 1944, peu avant le débarquement. Je ne fais pas partie de l'entourage du général de Gaulle, qui s'est constitué au début de la guerre. Je peux vous confier un secret ? Bien sûr. Eh bien, en mai dernier, au moment du putsch d'Alger, j'ai vraiment cru que de Gaulle, ou du moins les gens de son entourage, voulaient faire un coup d'état militaire. Pendant quelques jours, j'ai imaginé que je devrais à nouveau tout perdre et tout quitter. Alors j'ai paniqué. C'était irrationnel, je le reconnais, mais vous savez, je suis juif, et en 1940, je n'ai pas eu le choix. Il a fallu partir et tout laisser. J'ai déjà vécu ça et j'ai eu peur. Bref, j'étais franchement hostile à De Gaulle. Depuis, j'ai changé d'avis et je suis favorable à sa politique. Mais je ne suis pas proche de nos dirigeants actuels. Peu importe, vous seriez bien sûr producteur du magazine à égalité avec moi. Et qui, même au gouvernement, oserait censurer le patron de François, le journaliste le plus puissant de France. Vous savez qu'on accuse François d'aller dans le sens du vent. Camus a même écrit de moi que j'ai un abject esprit de midinette. Ça m'est égal, monsieur Lazareff. Je n'imagine pas créer cette émission sans vous. Nous pourrions bien sûr utiliser les réseaux et les journalistes de François. Oh, je n'osais pas vous le demander. Bon, laissez-moi réfléchir. Alors à bientôt. Bonjour, monsieur Lazareff. Alors, vous avez pris votre décision ? Oui, Darcy, c'est d'accord. J'accepte de devenir producteur de ce magazine d'actualité. Et je mets à disposition de l'émission l'ensemble des moyens de France Soir. Mais c'est formidable ! Je préviens immédiatement Rossif. Oui ? Jean Darcy à l'appareil. Ah, Darcy, que me vaut le plaisir ? Hélas, une mauvaise nouvelle. Rossif doit se mettre en retrait du projet. Comment ça ? Pourquoi ? Vous savez qu'il s'occupe de l'achat des films que nous diffusons. Eh bien, de mauvaise langue, l'accuse de profiter de sa position pour se faire payer des pots de vin. Vous y croyez ? Absolument pas. Il a toute ma confiance. Et je suis certain que l'enquête prouvera son innocence. Mais en attendant, et en accord avec lui, j'ai dû lui demander de se retirer du projet. Je vois. Mais s'il n'en est pas, je me retire moi aussi. Ah non, Pierre, ne faites pas ça. Sans vous, nous devrons abandonner l'émission. Je regrette, Darcy, mais je ne peux pas. Je ne veux pas m'approprier le projet de ce jeune homme. Mais si, si, continuez sans moi, monsieur Lazareff. C'est impossible, Rossif. Ce projet est le vôtre. Sans vous, je refuse de participer. Je vous le demande. Je tiens vraiment à ce qu'il voit le jour. Dès la fin de l'enquête, je vous rejoindrai. Bon, eh bien, soit. Puisque c'est votre souhait, et uniquement parce que c'est votre souhait, je vais créer votre magazine d'actualité, Rossif. En attendant que vous réintégriez l'équipe. Merci. Oui ? Monsieur Lazareff, c'est Darcy. J'ai trouvé une solution pour remplacer Frédéric Rossif. Bien, de qui s'agit-il ? Ils sont deux. Deux ? Deux, oui. Vous les connaissez d'ailleurs. Pierre Desgroupes et Pierre Dumayet. Ils ont une émission littéraire chez nous, Lecture pour tous. Et aussi une émission sur la justice, En votre âme et conscience. De très bons professionnels, en effet. Excellente idée. J'y mets une condition, cependant. Rossif réintégrera l'équipe dès que ces tracas seront terminés. Bien entendu. Et vous serez tous les quatre producteurs de ce magazine. Parfait. À bientôt. À bientôt. Non, monsieur Lazareff. Je ne reviendrai pas. Mais pourquoi, Rossif ? La Cour des comptes vous a lavé de tout soupçon ? Oui, mais il y a un autre problème maintenant. Je ne m'entends pas avec des groupes. Or, il fait partie de l'équipe désormais. C'est à moi de renoncer. Mais enfin, ce magazine, c'est votre bébé. Vous allez vraiment l'abandonner ? Je vous assure, si je devais travailler avec des groupes, on s'engueulerait sans cesse. Et vous allez avoir besoin d'une équipe soudée. Comme vous voudrez, Rossif. Je regrette votre décision. Mais rappelez-vous, si vous avez besoin de quelque chose, quoi que ce soit, ma porte vous sera toujours ouverte. N'hésitez pas. Je vous remercie. Oui ? Monsieur Lazareff, c'est encore Darcy. J'ai un nouveau nom à vous proposer pour remplacer Rossif. Ah, et de qui s'agit-il cette fois ? Un jeune réalisateur, Igor Barrère. Un réalisateur ? Oui, il s'occupera de la partie technique de l'émission. Lui aussi voulait créer un magazine d'information, mais il n'est pas journaliste. Il n'arrête pas de se plaindre en me disant qu'à son âge, Alain Fournier avait déjà écrit Le Grand Maulne, alors que lui n'a encore rien fait. Bon, écoutez, je vous fais confiance. Va pour Igor Barrère. Alors, Pierre, comment ça se présente ? Pas très bien, Maggie. Ce poste de coordinatrice que je t'avais promis, Hélène veut que je le donne à quelqu'un d'autre. Mais, Pierre, tu ne peux pas. C'est moi ? C'est parce que tu me l'as donné à moi qu'elle refuse ton choix ? Je ne sais pas, Mag. Elle se plaint que je te vois trop haut, que tu as trop d'influence sur moi. Mais enfin, Pierre, tu ne vas pas te laisser faire. Ça fait des années que ta femme te trompe ouvertement au vu et au su de tout Paris. Des années que les amants se succèdent. Elle ne peut pas te reprocher de... Ne te fâche pas, mon ange. Et à qui veut-elle que tu donnes ce poste ? À Eliane Victor. La femme de Paul-Émile Victor ? L'explorateur ? Oui. Oh. Bah, tu sais qu'Hélène aime beaucoup Jean-Christophe, leur fils. Depuis qu'il a été opéré aux USA d'une malformation cardiaque, Eliane travaille pour le magazine Elle. Mais Hélène fait un nouveau caprice et ne veut plus la voir dans son journal. Elle me demande de la prendre dans mon équipe. Et tu vas accepter ? J'ai déjà accepté. Maggie, je suis désolée. Ça m'embarrasse autant que toi. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais monter ma propre maison de production. Tu verras que moi aussi, je peux réussir dans l'audiovisuel. Mais tu as tout à fait raison. Et tu peux compter sur mon aide. D'ailleurs, je vais te mettre en contact avec des jeunes gens qui sont venus me proposer un film. Personne n'en veut, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce projet. Un film chanté. Un film chanté ? Oui, tu verras. Deux jeunes gens, Jacques Demy et Michel Legrand. Ça s'appelle Les Parapluies de Cherbourg. Les Parapluies de Cherbourg. Eh bien, monsieur Lazareff, votre équipe est prête. Il ne reste plus qu'à trouver un titre à cette émission. Vous savez ce que fait le rédacteur en chef d'un journal pour indiquer l'importance qu'il veut accorder à une information de premier plan, Darcy ? Non. Il choisit le nombre de colonnes qui lui seront consacrées sur la première page du journal, la une. Alors comme titre, je propose donc ce cri qui jaillit dans toutes les salles de rédaction à l'annonce d'un événement exceptionnel. 5 colonnes à la une. Parfait, parfait. Il faudra que le contenu soit à la hauteur. Ça, Darcy, j'en fais mon affaire. Bonjour messieurs, installez-vous. Bonjour. Il nous reste quelques semaines pour préparer le premier numéro de 5 colonnes à la une, alors je vous écoute. L'émission va durer 1h30. On traite un seul sujet ou plusieurs ? Plusieurs, des groupes. Hors de question de faire du documentaire. Il faudra beaucoup de reportages, et des reportages très variés. Il faudra que chacun puisse toujours y trouver plusieurs sujets qui l'intéressent, comme dans un grand journal. J'approuve, mais plus de sujets, ce sera plus cher. Avons-nous les moyens ? Ne vous préoccupez pas de ça, Dumayet. Les notes de frais, c'est moi qui les prendrai en charge. Ne comptez pas. Ce qui importe, c'est que le travail soit bien fait. En ce qui concerne la réalisation, j'ai une demande à formuler. Nous vous écoutons, Igor. Je pense que pour chaque sujet, le journaliste devra être accompagné d'un réalisateur. Un réalisateur ? Ah oui, je suis du même avis. Ça me paraît indispensable. Le journaliste s'occupera du contenu, le réalisateur de la forme. Ça ne va pas engendrer de conflit. Je ne pense pas. Au contraire. Le réalisateur va soulager le journaliste de tout le travail technique sur l'image. Il se chargera du tournage. Bon, dans ces conditions, ça me va. Mais le journaliste reste seul décisionnaire du contenu. Absolument. Maintenant, messieurs, le sommaire. Qu'allons-nous montrer dans ce premier numéro ? Il faudrait qu'on marque la première par quelque chose de spécial. Vous avez raison. C'est un baptême pour le magazine. Alors pourquoi pas une bénédiction ? Une bénédiction ? Drôle d'idée, non ? Et par qui ? Par qui, mais... Jean 23, bien sûr. Le pape ? Enfin, ce n'est pas possible, vous vous rendez compte ? Mais si, c'est possible, Dumayet. Je m'en occupe. Nous allons l'interviewer et il donnera sa bénédiction à la fin de l'entretien. Quoi d'autre ? Il nous faut un homme politique. L'homme politique du mois, qui ? De Gaulle. À la date de diffusion, nous serons sous la 5e République... Et il sera le nouveau président. Justement, non, pas de Gaulle. Il aura d'autres occasions de s'exprimer. Alors qui ? Pourquoi pas Michel Debré ? Il est l'auteur de la Constitution Et il a de bonnes chances d'être le premier Premier ministre de la Ve République. Très bonne idée. Qui fera l'interview? Michel Droit. Il a l'habitude de ce genre d'entretien. Bon. Et puisqu'on ne prend pas de Gaulle, on pourrait tourner un reportage sur ses petits-enfants, non? Les Français adorent ces images. D'accord. Il nous faudrait aussi un sujet à la mode. Vous avez une idée? Oui. Le hula hop. Le quoi? Hula hop. Le hula hop. Les jeunes n'ont que ce mot-là à la bouche. C'est un cerceau qu'on passe autour de la taille et qu'on fait tourner autour de soi. Parfait. Il nous faut un autre invité. Je propose Alain Bombard. Il a traversé l'Atlantique il y a 6 ans sur un canot, sans eau ni nourriture. Il voulait montrer qu'on peut survivre en mer après un naufrage, rien qu'en pêchant. Il y a quelques semaines, il a tenté une nouvelle expérience à Etel, pour prouver la supériorité des canots de sauvetage gonflables sur les canots rigides. Ça s'est mal passé. Et lors du sauvetage, 9 marins sont morts. La commission d'enquête vient de laver Bombard de toute responsabilité, et elle a mis en cause le sérieux des sauveteurs. On peut s'en charger, Dumayet et moi. D'accord. Et notre sourire? Notre sourire? Bah oui, bien sûr, les cocos, notre sourire. Un sourire, une séquence légère, l'interview d'une personnalité du sport, une star, un reportage amusant. Il nous en faudra un à chaque fois. Pour un sourire, quoi de mieux que celui d'une jolie femme? Vous avez raison, des groupes. Bardot. Oui. Nous avons la plus jolie femme du monde, une star planétaire. Il nous faut une interview de Bardot. Le pape, maintenant Bardot, ça ne va pas être facile, vous savez. Elle n'aime pas les interviews. Ne vous inquiétez pas, elle vient régulièrement manger chez moi à Louvciennes. Nous aurons Bardot. On la fera interviewer par France Roche. Pierre, ce magazine a été créé pour se démarquer du journal télévisé, pour offrir une information indépendante du ministère. Il nous faut donc aussi un sujet qui le montre dès le départ. Oui, mais comment? On ne va pas commencer à critiquer le gouvernement qui aura été nommé la semaine précédente. Non. On pourrait traiter un sujet que le journal télévisé n'aborde jamais, l'Algérie. Formidable. Ça fait 4 ans que la guerre dure, que les jeunes Français sont envoyés de l'autre côté de la Méditerranée, et le journal télévisé n'y a pas consacré une seule séquence. Rien. Excellent. Vous voyez ça comment? On rencontrera des responsables, des hommes politiques... Non, mes cocos, non. C'est pas comme ça qu'on intéresse le public. Il faut des personnages. Ce que veulent les Français, ce sont des histoires incarnées. Pas de grandes théories. Il faut qu'on leur explique les idées à travers les faits. Et les faits à travers des hommes. Tous les sujets devront tourner autour d'un personnage. Et qui pour l'Algérie? Un appelé, bien sûr. Un fils de Français modeste, qui se bat là-bas. On va le suivre au combat, dans sa caserne, dans ses activités. On va montrer à sa famille comment il vit au quotidien. Personne en France ne l'a jamais vu. Et quand je dis qu'on va montrer comment il vit à sa famille, eh bien on va le faire. On va vraiment le faire. On ira chez ses parents le soir de la diffusion, en direct, et on les interrogera sur leurs sentiments. Un duplex depuis la maison des parents? C'est ça. Ils vont découvrir la vie de leur fils devant nous, et nous recueillerons leurs réactions. Mais il va nous falloir des autorisations pour filmer ce militaire. Nous les aurons. D'autres sujets vont s'ajouter au programme. Yves Montand chantera de nouvelles chansons, une interview de Samy Frey et de Pascal Audrey, une visite du musée de l'Acropole à Athènes. Toi, tu m'en veux encore d'avoir cédé à Hélène et d'avoir donné ce travail à Hélène Victor. Mais non, Pierrot. Tu sais bien que je ne t'en veux jamais. Je te connais. Tu n'as pas su dire non à ta femme. Il n'empêche. Je t'avais promis ce travail et je n'ai pas tenu parole. Ce n'est rien. Tu me gâtes bien assez, comme tous ceux qui t'entourent. Tes journalistes, ta famille. Sylvette, ta première femme, par exemple. Tu subviens toujours à tous ses besoins plus de 20 ans après. Qui d'autre que toi serait aussi généreux? Sans oublier Nina, sa fille adoptive, qu'elle t'a abandonnée et que tu as élevée comme si c'était la tienne. Tu le sais bien, Mag. Nina a toujours été 2 fois, 10 fois, 100 fois ma fille. Par l'amour, légalement, par le choix et par le non, par la vie et la volonté. Tout comme Michel, d'ailleurs, la fille d'Hélène. Je n'ai jamais eu d'enfant, la vie l'a voulu ainsi, mais elles m'ont fait presque oublier ce regret. Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas? C'est une maudite douleur qui reprenne. Ah, mon ventre, pardonne-moi. Je vais aller m'allonger un peu. Ça t'arrive de plus en plus souvent, Pierre. Il faut vraiment faire quelque chose, voir un médecin. Plus tard, Maggie. En ce moment, j'ai vraiment pas le temps, tu sais. Je te raccompagne à la maison. Je vous souhaite à tous une bonne année 1959. Bonne année. Inutile de vous rappeler qu'on commence dans une semaine et que la veille, De Gaulle sera entré à l'Élysée comme premier président de la 5e République. Alors, on en est où avec nos reportages? La plupart sont prêts et validés. Bardot, le Hula Hop, le Pape, Bombard, les petits-enfants du général, Athènes, Montand. Reste le sergent Robert, notre appelé d'Algérie. Comme vous avez voulu le tourner au dernier moment pour éviter qu'il lui arrive quelque chose entre le tournage et la diffusion, on n'a pas encore toutes les images. Très bien. Gardez bien ça en tête, les cocos. Notre sujet, c'est Charlie Robert, pas l'Algérie en général. Tout doit se rapporter à lui. Ce reportage va faire l'ouverture du magazine. Les téléspectateurs doivent immédiatement comprendre qu'on va leur montrer l'information comme ils ne l'ont jamais vue, au plus près de la réalité. C'est ça qui définira 5 colonnes à la une. Ils doivent ressentir le choc dès ce premier sujet. Le direct avec la famille? Ça roule. J'ai réservé les équipes et les moyens techniques. C'est Roland Dordain qui fera l'interview. Attention, hein, on ne brutalise pas les parents. On y va doucement. Pour le commentaire du film, on a toujours le chef du sergent Robert? Le lieutenant Philippe Éduy, oui. Dans le civil, il est journaliste. Il saura faire le commentaire en direct. Il arrivera à Paris la veille de l'émission. Bien. Il faudra écrire le texte à l'avance, hein? Ça doit prendre la forme d'un dialogue. On l'interroge, il nous décrit ce que nous voyons. Il nous faut aussi des images du village où vivent les parents. C'est à cela que rêve le sergent Robert. Son village, ses parents. Pour faire le lien avec l'Algérie, on se servira du courrier, d'accord? La mère reçoit une lettre de son fils. D'accord. Pas de problème, je m'en occupe. Bien. On se revoit jeudi au montage. Très bien. À jeudi donc. À jeudi. À jeudi, Pierre. Alors, on a tout ce qu'il faut? Oui. On commence avec la séquence de présentation. Bon. Quelques images de l'Algérie. On insiste, tout ça a été tourné il y a moins de 24 heures. Puis, le village de Provence. Ensuite, on passe au direct dans la famille, avant le film, pour montrer le dispositif aux téléspectateurs. On présente les parents. Première réaction. Ah, il y a combien de frères et sœurs? 11, sans compter Charlie. Ah, c'est trop. On ne peut pas les interroger tous. Il faudra en choisir un qui représentera les autres en plus des parents. Dordain s'en chargera. Donc, ils disent quelques mots chacun et on lance le film « Retour en Algérie ». Faites voir le texte. Voilà. Non, non, non, les cocos, ça va pas du tout, ça. C'est trop impersonnel. On s'adresse pas au public ici, on s'adresse aux parents du sergent Robert. Faut le dire explicitement. Madame Robert... Monsieur Robert, à partir de cet instant, c'est à vous que nous allons nous adresser. Les autres téléspectateurs ne vont pas se sentir exclus? Absolument pas. D'abord parce qu'on s'adresse à des gens qui leur ressemblent. Ils vont s'identifier à ses parents. Ils ont tous un fils ou un neveu en Algérie. Croyez-moi, ils seront touchés comme si c'était à eux qu'on parlait. Et le montage, ça donne quoi? Faites-moi voir. Oh là là! Ça m'a l'air un peu long, tout ça. Le lendemain, c'est la diffusion. Pierre Lazareff, Pierre Desgros, Pierre Dumayet et Igor Barrère vous proposent 5 colonnes à la une. Cette première va déborder. Prévue pour durer 1h30, elle n'est toujours pas finie au bout de 2h. Il a fallu abréger l'interview de Michel Debré, il a fallu supprimer des reportages, Pierre Lazareff fait un nouveau malaise pendant la diffusion. Et pourtant, le lendemain, la presse est quasiment unanime pour saluer la naissance d'un nouveau genre télévisuel. Pendant des années, le soir de chaque premier vendredi du mois, la vie s'arrête, les rues se vident, les cafés ferment, les théâtres, les cinémas et les salles de spectacle font relâche, faute de public. La France entière regarde 5 colonnes à la une. L'émission sera copiée dans le monde entier. Elle verra défiler tous les grands de ce monde. Hommes politiques, sportifs, vedettes, artistes. Elle rendra compte des tragédies comme des événements heureux. La guerre d'Algérie lui vaudra plusieurs attentats. Pierre Lazareff hospitalisé pour ce qui se révélera être un cancer, sera victime d'une tentative d'assassinat par l'OAS. Ce gaulliste converti sera parfois accusé de complaisance envers le gouvernement. Pourtant, à plusieurs reprises, il devra affronter Alain Perfit et, comme l'avait prévu Jean Darcy, il aura gain de cause. Son salaire de producteur, il le partagera entre les petites mains du magazine, les monteurs, les scripts, les techniciens. Lina a conservé de nombreux sujets de 5 colonnes, toujours visibles sur son site internet. Près de 60 ans plus tard, malgré des imperfections, quelques scènes surjouées, il est impossible de ne pas ressentir le choc qui a secoué la France en découvrant la vie du sergent Robert. Ce 9 janvier 1959, l'information télévisée changeait d'époque. Après avoir révolutionné la presse écrite, Pierre Lazareff venait d'inventer la télévision moderne. C'était Pierre Lazareff de Thierry Moïse. Avec Scali Del Pera, Pierre Lazareff, Vincent Rouquès, Jean Darcy, Vladislav Galard, Frédéric Rossif, Mélissa Barbeau, Mac Bodard, Jean-Luc Vincent, Pierre Desgroupes, Nicolas Santi, Pierre Dumayet, Pierre Mignard, Igor Barrère, Gonzague Van Mervesles, le narrateur. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Cédric Châtelus, Nicolas Depagraf. Assistant à la réalisation, Félix Levacher. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Venez donc chez moi, je vous invite. Il y a de la joie chez moi, c'est merveilleux. À côté des étoiles, j'habite. À deux pas du ciel, toujours bleu. Je tendrai chez moi votre visite. Là-haut sous les toits, dans mon logis, tous les jours je reçois. Venez, venez vite, c'est gentil chez moi. Venez-y. Leroux m'a certainement donné les conseils de base qui ont constitué mon éthique du journalisme. L'exergue d'une de ses œuvres m'avait ouvert le chemin de son cœur. C'était un livre sur la presse. Sur la page de couverture, il avait mis ces simples mots « Oh mon métier, je t'aime ». Ce métier, il en parlait avec un extraordinaire bon sens. Le premier devoir d'un journaliste, disait-il, c'est d'être lu. Il me résuma ainsi le credo du journalisme « Voir, savoir, savoir-faire ». Faire savoir. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Pierre Lazareff. Notre invité, le journaliste Hervé Brusigny. Bonjour Hervé Brusigny. Bonjour. Ravi de vous recevoir. À nouveau d'ailleurs, vous étiez déjà venu une fois pour une fiction. C'est toujours un plaisir. Alors, vous avez un curriculum vitae long comme le bras et vous étouffez sous les distinctions. Donc, je vais donner quelques éléments de votre parcours. Vous avez dirigé le service des infogénés de l'ancienne Antenne 2, devenue France 2. Vous étiez l'un des visages d'Antenne 2. Vous avez été également directeur délégué à l'info de France 3 de 2004 à 2008. Et alors, je disais que de distinctions, vous êtes coloréat, notamment avec Dominique Thiers en 1991 du prix Albert Londres, celui dont tous les journalistes rêvent, dans la catégorie grand reporter de l'audiovisuel pour un reportage sur l'affaire Farwell, diffusé sur France 2. Alors, vous avez publié un livre en 2011. 11, qui s'appelle « Copie conforme », et avec l'autre partie du titre « Pourquoi les médias disent tous la même chose hein, ?» C'est au seuil. Alors, on vient de quitter le grand magazine 5 colonnes à la une, et on voit qu'en 1959, ces hommes, Pierre Lazareff en tête, cherchent avant tout l'originalité, à la fois dans le ton, dans l'écriture, et surtout dans la liberté de l'information. Ils sont créatifs, ils sont inventifs. Aujourd'hui, quel est l'héritage de cela quand on voit que les émissions, sans être des copies conformes, se ressemblent un peu quand même, et c'est ce que vous dénoncez dans votre livre. Oui, mais aujourd'hui, tout le monde prend conscience que la distinction, se distinguer des autres, est une condition sine qua non radicale à la mort de son émission. Et donc, il faut par tous les moyens trouver une originalité. Vous voyez, vous vous interrogez sur l'héritage de Saint-Col, comme on dit. Saint-Col, oui. Dans le numérique, il y a plusieurs héritiers de Saint-Col. Je pense par exemple à Vice News. Vice News met à la une le grand reporter qui parle directement à l'internaute et vous suivez avec lui son reportage en direct. Or, Lazareff, ce qu'il voulait faire, c'était du reportage en direct. Et c'est pour ça que la philosophie est la même, parce que à l'époque, avec le montage, Roger Louis racontait une histoire où il y avait A plus B plus C dans le montage, c'était chronologique, comme vous avez en direct quelque chose qui est chronologique. Et donc aujourd'hui, il y a des grands reporters sur le terrain qui se mouillent et qui racontent leur histoire, pas seulement au péril de leur vie, mais aussi ils peuvent y laisser leur existence parce qu'ils imaginent que être à Alep, c'est fondamental. Que ce soit Comte, Genozo et tous ceux de la presse écrite et tous ceux de la télévision sont les héritiers de Saint-Col. Parce que Saint-Col, c'est la naissance dans l'audiovisuel de la figure du grand reporter. D'autant plus qu'à l'époque, le reportage, c'est du terrain. Parce qu'aujourd'hui, au reportage se substituent de plus en plus des émissions de plateau. C'est aussi un problème pour le reportage. Alors oui, c'est-à-dire qu'effectivement, le coût, entre guillemets, COUT, n'est pas le même. Et que aujourd'hui, il est arrivé quelque chose de plus. C'est la nécessité d'expliquer. Le reporter explique, mais il montre. Et donc, il y a ce plus de l'expertise. À l'époque de Saint-Colonne, quand on tourne sur la guerre d'Algérie, le Congo ou d'autres grands événements de la décolonisation, il n'y a pas un plateau avec derrière des experts de géopolitique. La vraie question étant de savoir si ces experts-là constituent une valeur ajoutée, ce qui n'est pas forcément le cas. Quand même. Vous trouvez ? On ne peut pas faire en sorte que l'intégralité de l'exercice journalistique ne soit que le reportage pur et dur. Je crois beaucoup, comme vous, à la nécessité d'une encyclopédie qu'on ouvre et dans laquelle on trouve des définitions. Qu'est-ce que c'est que l'islam ? Qu'est-ce que c'est que ces différentes sectes qui peuvent composer la religion musulmane ? Et ça, c'est l'expert qui va me le donner. En revanche, le reporter sur le terrain va m'aider à comprendre, éventuellement s'il a l'audace et la possibilité d'être à Raqqa, ce qu'est l'organisation État islamique et sa lecture d'un islamisme radical. Donc les deux ne sont pas, il ne faut pas opposer les deux. Plus il y a d'intelligents, oui, il faut les assembler. Et il ne faut pas qu'effectivement l'un chasse l'autre. Alors on va revenir à Lazareff. Oui. Bon. Du génie, c'est évident. En même temps, la chance d'être au début d'une aventure, qui est celle de la télévision, où tout est ouvert, où les budgets sont là. Bon, il arrive à exploiter cette situation de façon formidable. Rappelez-nous qui était Lazareff. Lazareff, c'est un homme qui a cette voix très métallique. C'est un type qui est dans une sorte de survoltage permanent. D'ailleurs, il va lui arriver des problèmes, y compris le jour de la première. Il va s'effondrer dans le couloir, tellement le stress est important. C'est un type qui dirige 400 personnes à François. Il est sur le pont à fond. Quand il croise un de ses journalistes, il veut tout de suite savoir ce que le journaliste a de nouveau dans sa besace. C'est un patron de presse qui est sur le pont. Ça fait du bien. Puis, qu'est-ce qu'on a encore ? On a un type qui est extrêmement astucieux et qui n'a pas hésité à aller aux États-Unis, puisque je rappelle que le grand reportage et la figure du grand reporter, c'est une importation américaine. et que lui, en particulier, a été très intéressé par un type qui s'appelle Ed Murrow et qui a créé une émission qui s'appelle See It Now, qui a été rendue célèbre par le film de Clooney qui s'appelle Goodbye and Good Luck. Et ce grand reporter a créé cette émission qui est la première émission de magazine au monde. Et lui dispose d'une technologie nouvelle qui lui permet, c'est ce qu'il va montrer dans la première émission, de montrer la côte est et la côte ouest. Et c'est le triomphe du récit en vidéo, des interviews, du grand reportage. Ça, Saint-Col, c'est d'abord l'importation de ce truc formidable qui est See It Now avec Ed Murrow. Et ensuite, c'est une incarnation. D'abord avec Lazareff, et puis avec cette litanie de noms. Enfin, on était, les gens de notre génération, Hervé, étaient gamins. Quand on entendait ces noms, ça faisait presque peur. C'est formidable d'ailleurs. Ça faisait pas peur aux adultes, mais aux gosses, ça leur faisait peur. On avait les poils qui se dressaient sur la peau, mais c'était absolument extraordinaire. Mais parce que la musique, je crois que c'est de Michel Magne, elle est géniale. Et en plus, cette idée extraordinaire d'avoir affiché le titrage sur le tableau lumineux des avions d'Air France, c'est absolument fantastique. Et ça vous prend aux tripes immédiatement. D'autant que derrière, il y a des gens qui vous racontent des tas d'histoires les plus extraordinaires. Volontairement, Lazareff, Dumayet et des groupes bâtissent cette émission sur du suspense. Ils créent du suspense. Avec la réalité. Avec la réalité. Hervé Brusigny, on va prendre une pause de 3 minutes. On se retrouve juste après, évidemment, pour parler de ce personnage fascinant qu'est Pierre Lazareff et de l'émission qu'il avait créée. Underneath my counterpane, there's my love up above. I whisper, go away, my lover, it's not there. But I'm so grateful to discover she's still there. I love my ceiling more since it is dancing floor, just for my love. Hervé Brusigny, Est-ce que Lazareff était, comme le disent certains proches, proche justement de Gaulle, général de Gaulle, ou au contraire, est-ce qu'ils étaient éloignés, ces deux-là? Au début, il n'était pas du tout d'accord avec le général. Et puis après, entre guillemets, oui, il a été convaincu des justesses de vue, jusqu'à un certain point, de la politique menée par le général de Gaulle. De Gaulle, c'est quand même le type qui est non aligné. Hein. Aujourd'hui, on dit c'est formidable, De Gaulle, c'est le type qui dit non. Il se fait que Lazareff avait aussi une capacité critique. Et de vouloir aller y voir et de se dire qu'il y avait là un enjeu capital pour l'info, y compris pour ses propres affaires à lui en tant que patron de presse, vous l'avez dit, Lazareff, c'est le type qui se dit « La télévision est en train de naître, je ne peux pas rater ce train-là parce que c'est celui de la modernité de l'information. » Il n'avait pas tort. C'est clair. Personnage puissant, Lazareff, parce que chez les Lazareff, le tout Paris venait. Il avait le bras très long, aussi long que votre CV. Oui. Ça, c'est important aussi, parce que si l'émission n'avait pas été créée par cet homme-là qui a un vrai pouvoir, oui, peut-être qu'elle aurait connu un destin différent. Il a un carnet d'adresses monstrueux, il peut être un visiteur du soir de l'Élysée, mais surtout, avec cette collection de talents, de grands récits, de trucs que je regarde comme la fiction du soir en votre âme et conscience, oui, ou des grands films, eh bien, j'opère, je me mets là à la place de Lazareff, voyez un petit peu mon manque de modestie radicale, une sorte de séduction de l'opinion publique majeure. Et peu à peu, il se passe que si on veut commencer à me censurer, à me chercher des poux dans la tête, j'écris ici ou là un papier dans France Soir, je fais paraître un écho qui fait entendre que il faut pas me chercher trop longtemps parce que sinon ça va pas aller bien du tout. Et donc j'entretiens un rapport de force par le journalisme que je pratique et mes équipes versus le pouvoir. C'est une des grandes leçons de ce journalisme-là et qui reste encore valable. C'est la matrice du journalisme indépendant, de celui qu'on voudrait pratiquer comme tel, nous tous. Il ne faut pas idéaliser Saint-Col. Saint-Col a eu beaucoup de difficultés. Il a fallu que les gens fassent preuve d'énormément d'astuces. Je me souviens que Michel Honorat m'avait confié que quand il y avait, qui a été un des grands reporters de Saint-Col, un truc délicat, il faisait exprès, parce qu'il y avait un comité de censure, on regardait les sujets de Saint-Col et on les passait au rayon X de la part du pouvoir. Ça se passait dans des salles obscures et quand le type qui était le censeur venu du gouvernement, avait une remarque à faire, il allumait brutalement la lumière et il écrivait. Et donc, dans le montage, les journalistes s'ingéniaient à mettre un élément particulièrement provocateur qui provoquait le type qui donc allumait la lumière. Et pendant ce temps-là, la suite passait et il y avait un autre truc encore bien plus embêtant pour le pouvoir qui lui passait à l'as, si j'ose dire. Excellent. Donc Pierre Lazareff, bien sûr, mais cette la scansion des noms hein, dont je parlais tout à l'heure. Alors ouais. Igor Barrère, Pierre Desgroupes, ouais, quand même des pointures aussi, puisque la carrière de Desgroupes sera brillante, il deviendra président de l'ORTF, enfin voilà, c'est un grand bonhomme aussi. Et puis d'Antenne 2. Et d'Antenne 2. Donc il y a une équipe, il n'y a pas que Lazareff, il y a une équipe. Ah oui, il y a une équipe, et puis il y a des gens de l'extérieur qui viennent. Et donc, oui, il y a une richesse de l'apport et de la contribution, il y a une effervescence, ça marche dans tous les sens et ça s'arrête le soir, après la diff, dans un restaurant de l'Alma, où tout le monde souffle et où on trinque avec toute l'équipe. Mais les papas, comme on les a surnommés encore, Desgroupes et Dumayet, c'était pas des super rigolos. Desgroupes est un type qui peut vous clouer au mur rien que par un regard de mépris total pour le travail que vous avez fait. Une bouffée de pipe. Absolument. Et Dumayet, qui était un personnage plus rond, mais qui pouvait être parfois tout aussi cassant. C'était des patrons avec une exigence portée à un niveau absolument remarquable. Alors, Saint-Colonne à la Une a laissé une trace très positive et mythique, mais vous avez raison, ne tombons pas dans la géographie non plus. Il y avait certaines choses qui ne fonctionnaient pas. Moi, je me souviens d'un... Parce que j'ai revu les archives de l'INA, hein, il y a sorti un coffret Saint-Colonne à la Une formidable, et notamment cette interview de Jacqueline Bouvier-Kennedy, où elle ne dit strictement rien. Et ça continue, et on la laisse parler, et tranquillement. Bon, là, tout n'était pas parfait. Hein. Non, parce que parfois, c'était des bonnes opérations, pensait-il, pour l'audimat, entre guillemets. Ah, ça commençait. Ah bah oui, quand même, il fallait que ça plaise. Je rappelle que Lazareff était un homme qui pensait au tirage de son affaire de François. Et François était effectivement une grande puissance. Mais ce qui est formidable, c'est également la capacité de tenter des choses. Quand vous avez un Roger Louis qui, pour parler du prix du steak dans la campagne qui était menée à l'époque, qui s'appelait « Suivez le bœuf », fait venir un boucher et qu'il tranche quasiment devant les caméras tous les morceaux de la bête pour savoir combien ça pèse et combien c'est vendu, et qu'en même temps, il y a toute une enquête qui est menée sur le terrain sur l'achat des bêtes et la manière dont elles sont ensuite données aux consommateurs, il y a des trucs extraordinaires. Il y a des tentatives absolument saisissantes. Dernièrement, on a pu revoir des gens qui ont été filmés par l'équipe de Saint-Col et qui prennent du LSD et qu'on voit partir dans le délire le plus complet. Mmh. Très franchement, vous feriez ça aujourd'hui, il y aurait quelques petits problèmes. Alors, tous ces messieurs que nous admirons, et à juste titre d'ailleurs, se retourneraient peut-être dans leur tombe aujourd'hui, en lisant par exemple, bon, le constat tout le monde a fait, mais en lisant le livre de Laurent Mauduit, journaliste à Mediapart, aux éditions Don Quichotte, ça s'appelle « Main basse sur l'information, que veut-il nous dire ?» Ben, simplement ça, la razzia des groupes industriels sur la presse française, Vincent Bolloré, c'est Canal+, c'est 8, Itélé, Direct Matin, Patrick Drahi, c'est Libé, L'Express, 49% de Next Radio TV, qui coiffe RMC, BFM TV, numéro 23... J'arrête là. Est-ce que la plus grande dérive de notre métier, elle n'est pas là ? On ne peut pas condamner a priori l'argent privé par rapport à la qualité de l'info. Oui. Tout ne peut pas être fait par le service public, même si nous en sommes des adeptes. Bien sûr. Définitifs. Bien sûr. En ce qui me concerne. En revanche, là où les choses sont plus troublantes et plus redoutables, c'est lorsque le patron veut prendre la place de ses journalistes et qu'il entend mener la politique éditoriale qui est la sienne. Alors c'est un message qu'on peut lancer, là, comme ça, modestement, au grand patron, laissez faire vos équipes, s'il vous plaît. Vous allez voir, c'est pas si mal. Et s'ils sont pas très bons, eh ben, faudra bouger. Mais si vous intervenez directement sur le contenu éditorial, là, en ce moment, compte tenu de la multiplicité des capacités d'information qui sont offertes maintenant à tout à chacun, vous allez vider votre salle. Et donc vous allez arriver au contraire de ce que vous vouliez faire, c'est-à-dire réaliser une bonne affaire. Mmh. Messieurs, dames, qui avez beaucoup d'argent dans vos poches et qui avez décidé, et c'est super, de le consacrer à l'information, gardez l'œil sur ce qu'est votre fonds personnel d'activité, mais laissez faire vos équipes de journalistes en toute indépendance et vous verrez, c'est formidable information pour tout le monde et même pour vous. Mieux vaut qu'une entreprise vive dans les bras d'un groupe privé plutôt qu'elle meure, une entreprise de presse, un journal. Mais oui. Mais selon certaines conditions que vous venez de rappeler, on a bien entendu cet appel. Merci Hervé Brosigny. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui Pierre Lazareff, une fiction écrite par Thierry Moïse, réalisée par Sophie Haute-Picon, Juliette Gou et Lola Constantini, émission proposée par Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Pauline Laverdure.